le côté le plus. Moi, les seuls couilles que noir que j'ai vu, c'était sur une table rue des Bahutiers. De la couille de vaudois. De la couille de vaudois.